Exercice 12. Exprimer des envies avec « j'aimerais que ». Exemple. Venir plus souvent. Tu. J'aimerais que tu viennes plus souvent. À vous. S'arrêter de travailler. Elle. J'aimerais qu'elle s'arrête de travailler. Prévenir avant de venir. Il. J'aimerais qu'il prévienne avant de venir. Prendre de la distance avec le travail. Vous. J'aimerais que vous preniez de la distance avec votre travail. Partir tous les deux en vacances. On. J'aimerais qu'on parte tous les deux en vacances.